Section 49. Troisième partie, livre 15e. Suite. Le parti républicain se débattait encore sous les pieds des amis qui l'avaient trahi. Le 6 août, une députation de 20 membres, désignée par le comité central des 12 arrondissements de Paris, se présenta à la Chambre des députés pour lui remettre une adresse que le général Thiard et M. Duris Dufresne escamotèrent à la bénévole députation. Il était dit dans cette adresse que la nation ne pouvait reconnaître comme pouvoir constitutionnel ni une chambre élective nommée durant l'existence et sous l'influence de la royauté qu'elle a renversée, ni une chambre aristocratique dont l'institution est en opposition directe avec les principes qui lui ont mis, à elle, la nation, les armes à la main. Que le comité central des 12 arrondissements n'accordant comme nécessité révolutionnaire qu'un pouvoir de fait et très provisoire à la chambre des députés actuels pour aviser à toute mesure d'urgence, appelle de tous ses voeux l'élection libre et populaire de mandataires qui représentent réellement les besoins du peuple. Que les assemblées primaires seules peuvent amener ce résultat. Si l'on était autrement, la nation frapperait de nullité tout ce qui tendrait à la gêner dans l'exercice de ses droits. Tout cela était la pure raison, mais le lieutenant-général du royaume aspirait à la couronne. Et les peurs et les ambitions avaient hâte de la lui donner. Les plébéiens d'aujourd'hui voulaient une révolution et ne savaient pas la faire. Les jacobins qu'ils ont pris pour modèle auraient jeté à l'eau les hommes du Palais-Royal et les bavards des deux chambres. M. de Lafayette était réduit à des désirs impuissants. Heureux d'avoir fait revivre la garde nationale, il se laissa jouer comme un vieux maillot par Philippe, dont il croyait être la nourrice. Il s'engourdit dans cette félicité. Le vieux général n'était plus que la liberté endormie, comme la République de 1793 n'était plus qu'une tête de mort. La vérité est qu'une chambre sans mandat et tronquée n'avait aucun droit de disposer de la couronne. Ce fut une convention exprès réunie, formée de la Chambre des Lords et d'une Chambre des communes nouvellement élue, qui disposa du trône de Jacques II. Il est encore certain que ce croupion de la Chambre des députés, que ces 221, imbus sous Charles X des traditions de la monarchie héréditaire, n'apportait aucune disposition propre à la monarchie élective. Il l'arrête dès son début et la force de rétrograder vers des principes de quasi-légitimité. Ceux qui ont forgé l'épée de la nouvelle royauté ont introduit dans sa lame une paille qui tôt ou tard la fera éclater. Le 7 août est un jour mémorable pour moi. C'est celui où j'ai eu le bonheur de terminer ma carrière politique comme je l'avais commencée. Bonheur assez rare aujourd'hui pour qu'on puisse en réjouir. On avait apporté à la Chambre des Pairs la déclaration de la Chambre des députés concernant la vacance du trône. J'allais m'asseoir à ma place, dans le plus haut rang des fauteuils, en face du président. Les pairs me semblèrent à la fois affairés et abattus. Si quelques-uns portaient sur leur front l'orgueil de leur prochaine infidélité, d'autres y portaient la honte, des remords qu'ils n'avaient pas le courage d'écouter. Je me disais, en regardant cette triste assemblée, « Quoi ? Ceux qui ont reçu les bienfaits de Charles X dans sa prospérité vont le déserter dans son infortune. Ceux dont la mission spéciale était de défendre le trône héréditaire, ces hommes de cour qui vivaient dans l'intimité du roi, le trahiront-ils ? Ils veillaient à sa porte à Saint-Cloud. Ils l'ont embrassé à Rambouillet. Il leur a pressé la main dans un dernier adieu. Vont-ils lever contre lui cette main, toute chaude encore de cette dernière étreinte ? Cette chambre qui retentit pendant 15 années de leurs protestations de dévouement, va-t-elle entendre leurs parjures ? C'est pour eux cependant que Charles X s'est perdu. C'est eux qui le poussaient aux ordonnances. Ils trépignaient de joie lorsqu'elles parurent et lorsqu'ils se crurent vainqueurs dans cette minute muette qui précède la chute du tonnerre. Ces idées roulaient confusément et douloureusement dans mon esprit. La pairie était devenue le triple réceptacle des corruptions de la vieille monarchie, de la République et de l'Empire. Quant aux républicains de 1793, transformés en sénateurs, quant aux généraux de Bonaparte, je n'attendais d'eux que ce qu'ils ont toujours fait. Ils déposèrent l'homme extraordinaire auquel ils devaient tout. Ils allaient déposer le roi qui les avait confirmés dans les biens et dans les honneurs dont les avait comblés leurs premiers maîtres. Que le vent tourne, et ils déposeront l'usurpateur auquel ils se préparaient à jeter la couronne. Je montai à la tribune. Un silence profond se fit. Les visages parurent embarrassés. Chaque père se tourna de côté sur son fauteuil et regarda la terre. Hormis quelques pères résolus à se retirer comme moi, personne n'osa lever les yeux à la hauteur de la tribune. Je conserve mon discours parce qu'il résume ma vie et que c'est mon premier titre à l'estime de l'avenir. Messieurs, la déclaration apportée à cette chambre est beaucoup moins compliquée pour moi que pour ceux de messieurs les pères qui professent une opinion différente de la mienne. Un fait, dans cette déclaration, domine à mes yeux tous les autres, ou plutôt les détruit. Si nous étions dans un ordre de choses régulier, j'examinerais sans doute avec soin les changements qu'on prétend opérer dans la charte. Plusieurs de ces changements ont été par moi-même proposés. Je m'étonne seulement qu'on ait pu entretenir cette chambre de la mesure réactionnaire touchant les pères de la création de Charles X. Je ne suis pas suspect de faiblesse pour les fourner, et vous savez que j'en ai combattu même la menace. Mais nous rendre les juges de nos collègues, mais rayer du tableau des pères qui l'on voudra, toutes les fois que l'on sera le plus fort, cela ressemble trop à la proscription. Veut-on détruire la pairie ? Soit, mieux vaut perdre la vie que de la demander. Je me reproche déjà ce peu de mots sur un détail qui, tout important qu'il est, disparaît dans la grandeur de l'événement. La France est sans direction. Et j'irai m'occuper de ce qu'il faut ajouter ou retrancher au mât d'un navire dont le gouvernail est arraché. J'écarte donc de la déclaration de la Chambre élective tout ce qui est d'un intérêt secondaire. Et m'en tenant au seul fait énoncé de la vacance vraie ou prétendue du trône, je marche droit au but. Une question préalable doit être traitée. Si le trône est vacant, nous sommes libres de choisir la forme de notre gouvernement. Avant d'offrir la couronne à un individu quelconque, il est bon de savoir dans quelle espèce d'ordre politique nous constituerons l'ordre social. Établirons-nous une république ou une monarchie nouvelle ? Une république ou une monarchie nouvelle offre-t-elle à la France des garanties suffisantes de durée, de force et de repos ? Une république aurait d'abord contre elle les souvenirs de la république même. Ces souvenirs ne sont nullement effacés. On n'a pas oublié le temps où la mort, entre la liberté et l'égalité, marchait appuyée sur leurs bras. Quand vous seriez tombé dans une nouvelle anarchie, pourriez-vous réveiller sur son rocher l'Hercule qui fut seul capable d'étouffer le monstre ? Dans quelques mille ans, votre postérité pourra voir un autre Napoléon. Quant à vous, ne l'attendez pas. Ensuite, dans l'état de nos mœurs et dans nos rapports avec les gouvernements qui nous environnent, la République, sauf erreur, ne me paraît pas exécutable maintenant. La première difficulté serait d'amener les Français à un vote unanime. Quel droit la population de Paris aurait-elle de contraindre la population de Marseille ou de telle autre ville de se constituer en république ? Y aurait-il une seule république ou 20 ou 30 républiques ? Serait-elle fédérative ou indépendante ? Passons par-dessus ces obstacles. Supposons une république unique. Avec notre familiarité naturelle, croyez-vous qu'un président, quelque grave, quelque respectable, quelque habile qu'il puisse être, soit un an à la tête des affaires sans être tenté de se retirer ? Peu défendu par les lois et par les souvenirs, contrarié, avili, insulté soir et matin par des rivaux secrets et par des agents de trouble, il n'inspirera pas assez de confiance au commerce et à la propriété. Il n'aura ni la dignité convenable pour traiter avec les cabinets étrangers, ni la puissance nécessaire au maintien de l'ordre intérieur. S'il use de mesures révolutionnaires, la République deviendra odieuse. L'Europe inquiète profitera de ses divisions, les fomentera, interviendra, et l'on se trouvera de nouveau engagé dans des luttes effroyables. La République représentative est sans doute l'état futur du monde, mais son temps n'est pas encore arrivé. Je passe à la monarchie. Un roi nommé par les chambres ou élu par le peuple sera toujours, quoi qu'on fasse, une nouveauté. Or, je suppose qu'on veut la liberté, surtout la liberté de la presse, par laquelle et pour laquelle le peuple vient de remporter une si étonnante victoire. Eh bien, toute monarchie nouvelle sera forcée, ou plutôt ou plus tard, de bâillonner cette liberté. Napoléon lui-même a-t-il pu l'admettre ? Fille de nos malheurs et esclave de notre gloire, la liberté de la presse ne vit en sûreté qu'avec un gouvernement dont les racines sont déjà profondes. Une monarchie bâtarde d'une nuit sanglante n'aurait-elle rien à redouter de l'indépendance des opinions ? si ceux-ci peuvent prêcher la République, ceux-là un autre système. Ne craignez-vous pas d'être bientôt obligé de recourir à des lois d'exception, malgré l'anathème contre la censure ajoutée à l'article 8 de la Charte ? Alors, amis de la liberté réglée, qu'aurez-vous gagné au changement qu'on vous propose ? Vous tomberez de force dans la République ou dans la servitude légale. La monarchie sera débordée et emportée par le torrent des lois démocratiques, ou le monarque par le mouvement des factions. Dans le premier enivrement d'un succès, on se figure que tout est aisé. On espère satisfaire toutes les exigences, toutes les humeurs, tous les intérêts. On se flatte que chacun mettra de côté ses vues personnelles et ses vanités. On croit que la supériorité des Lumières et la sagesse du gouvernement surmonteront des difficultés sans nombre. Mais au bout de quelques mois, la pratique vient démentir la théorie. Je ne vous présente, messieurs, que quelques-uns des inconvénients attachés à la formation d'une république ou d'une monarchie nouvelle. Si l'une et l'autre ont des périls, il resterait un troisième parti, et ce parti valait bien la peine qu'on en eût dit quelques mots. D'affreux ministres ont souillé la couronne, ils ont soutenu la violation de la loi par le meurtre. Ils se sont joués des serments faits au ciel, des lois jurées à la terre. Étrangers qui, deux fois, êtes entrés à Paris, sans résistance, sachez la vraie cause de vos succès. Vous vous présentiez au nom du pouvoir légal. Si vous accouriez aujourd'hui au secours de la tyrannie, pensez-vous que les portes de la capitale du monde civilisé s'ouvriraient aussi facilement devant vous ? La nation française a grandi, depuis votre départ, sous le régime des lois constitutionnelles. Nos enfants de 14 ans sont des géants. Nos conscrits, à Alger, nos écoliers, à Paris, viennent de vous révéler les fils des vainqueurs d'Austerlitz, de Marengo et d'Iéna, mais les fils fortifiés de tout ce que la liberté ajoute à la gloire. Jamais défense ne fut plus légitime et plus héroïque que celle du peuple de Paris. Il ne s'est point soulevé contre la loi. Tant qu'on a respecté le pacte social, le peuple est demeuré paisible. Il a supporté sans se plaindre les insultes, les provocations, les menaces. Il devait son argent et son sang en échange de la charte, il a prodigué l'un et l'autre. Mais lorsqu'après avoir menti jusqu'à la dernière heure, on a tout à coup sonné la servitude, quand la conspiration de la bêtise et de l'hypocrisie a soudainement éclaté, quand une terreur de château organisée par des eunuques a cru pouvoir remplacer la terreur de la République et le joug de fer de l'Empire, alors ce peuple s'est armé de son intelligence et de son courage. Il s'est trouvé que ces boutiquiers respiraient assez facilement la fumée de la poudre et qu'il fallait plus de 4 soldats et un caporal pour les réduire. Un siècle n'aurait pas autant mûri les destinées d'un peuple que les 3 derniers soleils qui viennent de briller sur la France. Un grand crime a eu lieu. Il a produit l'énergique explosion d'un principe. Devait-on, à cause de ce crime et du triomphe moral et politique qui en a été la suite, renverser l'ordre de choses établies ? Examinons. Charles X et son fils sont déchus ou ont abdiqué, comme il vous plaira de l'entendre. Mais le trône n'est pas vacant. Après eux venait un enfant. Devait-on condamner son innocence ? Quel sang crie aujourd'hui contre lui ? Oseriez-vous dire que c'est celui de son père ? Cet orphelin, élevé aux écoles de la patrie dans l'amour du gouvernement constitutionnel et dans les idées de son siècle, aurait pu devenir un roi en rapport avec les besoins de l'avenir. C'est au gardien de sa tutelle que l'on aurait fait jurer la déclaration sur laquelle vous allez voter. Arrivé à sa majorité, le jeune monarque aurait renouvelé le serment. Le roi présent, le roi actuel, aurait été Monsieur le duc d'Orléans, régent du royaume, prince qui a vécu près du peuple, et qui sait que la monarchie ne peut être aujourd'hui qu'une monarchie de consentement et de raison. Cette combinaison naturelle m'eût semblé un grand moyen de conciliation, et aurait peut-être sauvé à la France ces agitations qui sont la conséquence des violents changements d'un État. Dire que cet enfant, séparé de ses maîtres, n'aurait pas le temps d'oublier jusqu'à leur nom avant de devenir homme. Dire qu'il demeurerait infatué de certains dogmes de naissance après une longue éducation populaire, après la terrible leçon qui a précipité 2 rois en 2 nuits, est-ce bien raisonnable ? Ce n'est ni par un dévouement sentimental, ni par un attendrissement de nourrice transmis de maillot en maillot depuis le berceau de Henri IV jusqu'à celui du jeune Henri, que je plaide une cause où tout se tournerait de nouveau contre moi si elle triomphait. Je ne vise ni au roman, ni à la chevalerie, ni au martyr. Je ne crois pas au droit divin de la royauté, et je crois à la puissance des révolutions et des faits. Je n'invoque pas même la charte, je prends mes idées plus haut, je les tire de la sphère philosophique de l'époque où ma vie expire. Je propose le duc de Bordeaux tout simplement comme une nécessité de meilleure aloi que celle dont on argumente. Je sais qu'en éloignant cet enfant, on veut établir le principe de la souveraineté du peuple. Niaiserie de l'ancienne école qui prouve que sous le rapport politique, nos vieux démocrates n'ont pas fait plus de progrès que les vétérans de la royauté. Il n'y a de souveraineté absolue nulle part. La liberté ne découle pas du droit politique comme on le supposait au XVIIIe siècle. Elle vient du droit naturel, ce qui fait qu'elle existe dans toutes les formes de gouvernement et qu'une monarchie peut être libre et beaucoup plus libre qu'une république. Mais ce n'est ni le temps ni le lieu de faire un cours de politique. Je me contenterai de remarquer que, lorsque le peuple a disposé des trônes, il a souvent aussi disposé de sa liberté. Je ferai observer que le principe de l'hérédité monarchique, absurde au premier abord, a été reconnu par l'usage, préférable au principe de la monarchie élective. Les raisons en sont si évidentes que je n'ai pas besoin de les développer. Vous choisissez un roi aujourd'hui. Qui vous empêchera d'en choisir un autre demain ? La loi, direz-vous ? La loi ? Mais c'est vous qui la faites. Il est encore une manière plus simple de trancher la question, c'est de dire « Nous ne voulons plus de la branche aînée des Bourbons. » Et pourquoi n'en voulez-vous plus ? Parce que nous sommes victorieux. Nous avons triomphé dans une cause juste et sainte. Nous usons d'un droit de double conquête. Très bien. Vous proclamez la souveraineté de la force. Alors gardez soigneusement cette force. Car si dans quelques mois elle vous échappe, vous serez malvenus à vous plaindre. Telle est la nature humaine. Les esprits les plus éclairés et les plus justes ne s'élèvent pas toujours au-dessus d'un succès. Ils étaient les premiers, ces esprits, à invoquer le droit contre la violence. Ils appuyaient ce droit de toute la supériorité de leur talent. Et au moment même où la vérité de ce qu'ils disaient est démontrée par l'abus le plus abominable de la force et par le renversement de cette force, les vainqueurs s'emparent de l'arme qu'ils ont brisée, dangereux tronçons qui blesseront leurs mains sans les servir. J'ai transporté le combat sur le terrain de mes adversaires. Je ne suis point allé bivouaquer dans le passé sous le vieux drapeau des morts, drapeau qui n'est pas sans gloire, mais qui pend le long du bâton qui le porte, parce qu'aucun souffle de la vie ne le soulève. Quand je remuerai la poussière des 35 capets, je n'en tirerai pas un argument qu'on voulut seulement écouter. L'idolâtrie d'un nom est abolie. La monarchie n'est plus une religion. C'est une forme politique préférable dans ce moment à tout autre, parce qu'elle fait mieux entrer l'ordre dans la liberté. Inutile Cassandre, j'ai assez fatigué le trône et la patrie de mes avertissements dédaignés. Il ne me reste qu'à m'asseoir sur les débris d'un naufrage que j'ai tant de fois prédit. Je reconnais au malheur toutes les sortes de puissances, excepté celle de me délier de mes serments de fidélité. Je dois aussi rendre ma vie uniforme. Après tout ce que j'ai fait, dit et écrit pour les Bourbons, je serais le dernier des misérables si je le reniais au moment où, pour la troisième et dernière fois, il s'achemine vers l'exil. Je laisse la peur à ces généreux royalistes qui n'ont jamais sacrifié une obole ou une place à leur loyauté, à ces champions de l'autel et du trône qui naguère me traitaient de renégat, d'apostat et de révolutionnaire. Pieux libellistes, le renégat vous appelle. Venez donc balbutier un mot, un seul mot avec lui pour l'infortuné maître qui vous combla de ses dons et que vous avez perdu. Provocateur de coups d'État, prédicateur du pouvoir constituant, où êtes-vous ? Vous vous cachez dans la boue du fond de laquelle vous leviez vaillamment la tête pour calomnier les vrais serviteurs du roi. Votre silence d'aujourd'hui est digne de votre langage d'hier. Que tous ces preux, dont les exploits projetés ont fait chasser les descendants d'Henri IV à coups de fourche, tremblent maintenant, accroupis sous la cocarde tricolore. C'est tout naturel. Les nobles couleurs dont ils se parent protégeront leur personne et ne couvriront pas leur lâcheté. Au surplus, en m'exprimant avec franchise à cette tribune, je ne crois pas du tout faire un acte d'héroïsme. Nous ne sommes plus dans ces temps où une opinion coûtait la vie. Y fussions-nous, je parlerais 100 fois plus haut. Le meilleur bouclier est une poitrine qui ne craint pas de se montrer découverte à l'ennemi. Non, messieurs, nous n'avons à craindre ni un peuple dont la raison égale le courage, ni cette généreuse jeunesse que j'admire, avec laquelle je sympathise de toutes les facultés de mon âme, à laquelle je souhaite, comme à mon pays, honneur, gloire et liberté. Loin de moi surtout la pensée de jeter des semences de division dans la France, et c'est pourquoi j'ai refusé à mon discours l'accent des passions. Si j'avais la conviction intime qu'un enfant doit être laissé dans les rangs obscurs et heureux de la vie, pour assurer le repos de 33 millions d'hommes, j'aurais regardé comme un crime toute parole en contradiction avec le besoin des temps. Je n'ai pas cette conviction. Si j'avais le droit de disposer d'une couronne, je la mettrais volontiers aux pieds de Monsieur le Duc d'Orléans. Mais je ne vois de vacant qu'un tombeau à Saint-Denis et non un trône. Quelles que soient les destinées qui attendent Monsieur le lieutenant-général du royaume, je ne serai jamais son ennemi s'il fait le bonheur de ma patrie. Je ne demande à conserver que la liberté de ma conscience et le droit d'aller mourir partout où je trouverai indépendance et repos. Je vote contre le projet de déclaration. J'avais été assez calme en commençant ce discours, mais peu à peu l'émotion me gagna. Quand j'arrivai à ce passage, inutile Cassandre, j'ai assez fatigué le trône et la patrie de mes avertissements dédaignés, ma voix s'embarrassa, et je fus obligé de porter mon mouchoir à mes yeux pour supprimer des pleurs de tendresse et d'amertume. L'indignation me rendit la parole dans le paragraphe qui suit. « Pieux libelliste, le renégat vous appelle. Venez donc balbutier un mot, un seul mot avec lui, pour l'infortuné maître qui vous combla de ses dons et que vous avez perdu. » Mes regards se portaient alors sur les rangs à qui j'adressais ces paroles. Plusieurs pères semblaient anéantis. Ils s'enfonçaient dans leurs fauteuils, au point que je ne les voyais plus derrière leurs collègues, assises immobiles devant eux. Ce discours eut quelque retentissement. Tous les partis y étaient blessés, mais tous se taisaient, parce que j'avais placé auprès des grandes vérités un grand sacrifice. Je descendis de la tribune, je sortis de la salle, je me rendis au vestiaire, je mis bas mon habit de père, mon épée, mon chapeau à plumet. J'en détachai la cocarde blanche, je la mis dans la petite poche du côté gauche de la redingote noire que je revêtis et que je croisais sur mon cœur. Mon domestique emporta la défroque de la pairie et j'abandonnai, en secouant la poussière de mes pieds, ce palais des trahisons où je ne rentrerai de ma vie. Le 10 et le 12 août, j'achevai de me dépouiller et j'envoyai ces diverses démissions. Paris, ce 10 août 1830. Monsieur le Président de la Chambre des Pairs, ne pouvant prêter serment de fidélité à Louis-Philippe d'Orléans comme roi des Français, je me trouve frappé d'une incapacité légale qui m'empêche d'assister aux séances de la Chambre héréditaire. Une seule marque des bontés du roi Louis XVIII et de la munificence royale me reste. C'est une pension de pair de 12 000 francs, laquelle me fut donnée pour maintenir, sinon avec éclat, du moins avec l'indépendance des premiers besoins, la haute dignité à laquelle j'avais été appelé. Il ne serait pas juste que je conservasse une faveur attachée à l'exercice de fonctions que je ne puis remplir. En conséquence, j'ai l'honneur de résigner entre vos mains ma pension de pair. Paris, ce 12 août 1830. Monsieur le ministre des Finances, il me reste des bontés de Louis XVIII et de la munificence nationale, une pension de pair de 12 000 francs, transformée en rentes viagères inscrites au grand livre de la dette publique et transmissible seulement à la première génération directe du titulaire. Ne pouvant prêter serment à Monseigneur le Duc d'Orléans comme roi des Français, il ne serait pas juste que je continuasse de toucher une pension attachée à des fonctions que je n'exerce plus. En conséquence, je viens la résigner entre vos mains. Elle aura cessé de courir pour moi le jour, 10 août, où j'ai écrit à Monsieur le Président de la Chambre des Pairs qu'il m'était impossible de prêter le serment exigé. J'ai l'honneur d'être, avec une haute, etc. Paris, ce 12 août 1830, Monsieur le Grand Référendaire, j'ai l'honneur de vous envoyer copie des deux lettres que j'ai adressées, l'une à Monsieur le Président de la Chambre des Pairs, l'autre à Monsieur le Ministre des Finances. Vous y verrez que je renonce à ma pension de pair et qu'en conséquence mon fondé de pouvoir n'aura à toucher de cette pension que la somme échue au 10 août, jour où j'ai annoncé que j'ai refusé le serment. J'ai l'honneur d'être avec une hôte, etc. Paris, ce 12 août 1830. Monsieur le ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous envoyer ma démission de ministre d'État. Je suis avec une haute considération, monsieur le ministre de la Justice, votre très humble et très obéissant serviteur. Je restais nu comme un petit Saint-Jean. Mais depuis longtemps, j'étais accoutumé à me nourrir du miel sauvage, et je ne craignais pas que la fille d'Hérodiade eût envie de ma tête grise. Mes broderies, mes dragonnes, franges, torsades, épaulettes, vendues à un juif, et par lui fondues, m'ont rapporté 700 francs, produit net de toutes mes grandeurs. Maintenant, qu'était devenu Charles X? Il cheminait vers son exil, accompagné de ses gardes du corps, surveillé par ses 3 commissaires, traversant la France, sans exciter même la curiosité des paysans qui labouraient leurs sillons sur le bord du grand chemin. Dans 2 ou 3 petites villes, des mouvements hostiles se manifestèrent. Dans quelques autres, des bourgeois et des femmes donnèrent des signes de pitié. Il faut se souvenir que Bonaparte ne fit pas plus de bruit en se rendant de Fontainebleau à Toulon, que la France ne s'émut pas davantage, et que le gagneur de tant de batailles faillit être massacré à Orgon. Dans ce pays fatigué, les plus grands événements ne sont plus que des drames joués pour notre divertissement. Ils occupent le spectateur tant que la toile est levée, et lorsque le rideau tombe, ils ne laissent qu'un vain souvenir. Parfois, Charles X et sa famille s'arrêtaient dans de méchantes stations de rouliers pour prendre un repas sur le bout d'une table sale où des charretiers avaient dîné avant lui. Henri V et sa sœur s'amusaient dans la cour avec les poulets et les pigeons de l'auberge. Je l'avais dit, la monarchie s'en allait et l'on se mettait à la fenêtre pour la voir passer. Le ciel en ce moment se plut à insulter le parti vainqueur et le parti vaincu. Tandis que l'on soutenait que la France entière avait été indignée des ordonnances, il arrivait au roi Philippe des adresses de la province envoyées au roi Charles X pour féliciter celui-ci sur les mesures salutaires qu'il avait prises et qui sauvaient la monarchie. Le bey de Titry, de son côté, expédiait au monarque détrôné qui cheminait vers Cherbourg la soumission suivante. « Au nom de Dieu, etc., etc., je reconnais pour seigneur et souverain absolu le grand Charles X, le victorieux. Je lui payerai le tribut, etc. » On ne peut se jouer plus ironiquement de l'une et de l'autre fortune. On fabrique aujourd'hui les révolutions à la machine. Elles sont faites si vite qu'un monarque, roi encore sur la frontière de ses États, n'est déjà plus qu'un banni dans sa capitale. Dans cette insouciance du pays pour Charles X, il y a autre chose que de la lassitude. Il y faut reconnaître le progrès de l'idée démocratique et de l'assimilation des rangs. À une époque antérieure, la chute d'un roi de France eût été un événement énorme. Le temps a descendu le monarque de la hauteur où il était placé, il l'a rapproché de nous, il a diminué l'espace qui le séparait des classes populaires. Et l'on était peu surpris de rencontrer le fils de Saint-Louis sur le grand chemin, comme tout le monde. Ce n'était point par esprit de haine ou de système, c'était tout simplement par ce sentiment du niveau social qui a pénétré les esprits et qui agit sur les masses sans qu'elles s'en doutent. Malédiction, Cherbourg, à tes parages sinistres. C'est auprès de Cherbourg que le vent de la colère jeta Édouard III pour ravager notre pays. C'est non loin de Cherbourg que le vent d'une victoire ennemie brisa la flotte de Tourville. C'est à Cherbourg que le vent d'une prospérité menteuse repoussa Louis XVI vers son échafaud. C'est à Cherbourg que le vent de je ne sais quelle rive a emporté nos derniers princes. Les côtes de la Grande-Bretagne, qu'aborda Guillaume le Conquérant, ont vu débarquer Charles, le 10e, sans pennon et sans lance. Il est allé retrouver à Holyrood les souvenirs de sa jeunesse, appendus aux murailles du château des Stuarts, comme de vieilles gravures jaunies par le temps. J'ai peint les 3 journées à mesure qu'elles se sont déroulées devant moi. Une certaine couleur de contemporanéité, vraie dans le moment qui s'écoule, fausse après le moment écoulé, s'étend donc sur le tableau. Il n'est révolution si prodigieuse qui, décrite de minute en minute, ne se trouva réduite aux plus petites proportions. Les événements sortent du sein des choses, comme les hommes du sein de leur mère, accompagnés des infirmités de la nature. Les misères et les grandeurs sont sœurs jumelles. Elles naissent ensemble. Mais, quand les couches sont vigoureuses, les misères, à une certaine époque, meurent, les grandeurs seules vivent. Pour juger impartialement de la vérité qui doit rester, il faut donc se placer au point de vue d'où la postérité contemplera le fait accompli. Me dégageant des mesquineries de caractère et d'action dont j'avais été le témoin, ne prenant des journées de juillet que ce qui en demeurera, j'ai dit avec justice dans mon discours à la Chambre des Pairs, « Ce peuple s'étant armé de son intelligence et de son courage, il s'est trouvé que ses boutiquiers respiraient assez facilement l'odeur de la poudre, et qu'il fallait plus de 4 soldats et un caporal pour les réduire. Un siècle n'aurait pas autant mûri les destinées d'un peuple que les 3 derniers soleils qui viennent de briller sur la France. » En effet, le peuple proprement dit a été brave et généreux dans la journée du 28. La garde avait perdu plus de 300 hommes, tués ou blessés. Elle rendit pleine justice aux classes pauvres, qui seules se battirent dans cette journée, et parmi lesquelles se mêlèrent des hommes impurs, mais qui n'ont pu les déshonorer. Les élèves de l'école polytechnique, sortis trop tard de leur école le 28 pour prendre part aux affaires, furent mis par le peuple à sa tête le 29 avec une simplicité et une naïveté admirables. Des champions absents des luttes soutenues par ce peuple vinrent se réunir à ses rangs le 29, quand le plus grand péril fut passé. D'autres également vainqueurs ne rejoignirent la victoire que le 30 et le 31. Du côté des troupes, ce fut à peu près la même chose. Il n'y eut guère que les soldats et les officiers d'engagés. L'état-major, qui avait déjà déserté Bonaparte à Fontainebleau, se tint sur les hauteurs de Saint-Cloud, regardant de quel côté le vent poussait la fumée de la poudre. On faisait que, au lever de Charles X, à son coucher, il ne trouva personne. La modération des classes plébéiennes égala leur courage. L'ordre résulta subitement de la confusion. Il faut avoir vu des ouvriers demi-nus, placés en faction à la porte des jardins publics, empêcher selon leurs consignes d'autres ouvriers déguenillés de passer, pour se faire une idée de cette puissance du devoir qui s'était emparée des hommes demeurés les maîtres. Ils auraient pu se payer le prix de leur sang et se laisser tenter par leur misère. On ne vit point, comme au 10 août 1792, les Suisses massacrés dans la fuite. Toutes les opinions furent respectées. Jamais, à quelques exceptions près, on abusa moins de la victoire. Les vainqueurs portant les blessés de la garde à travers la foule s'écriaient « Respect aux braves !» Le soldat venait-il à expirer, il disait « Paix aux morts !» Les 15 années de la Restauration, sous un régime constitutionnel, avaient fait naître parmi nous cet esprit d'humanité, de l'égalité et de justice, que 25 années de l'esprit révolutionnaire et guerrier n'avaient pu produire. Le droit de la force, introduit dans nos mœurs, semblait être devenu le droit commun. Les conséquences de la Révolution de juillet seront mémorables. Cette révolution a prononcé un arrêt contre tous les trônes. Les rois ne pourront régner aujourd'hui que par la violence des armes. Moyen assuré pour un moment, mais qui ne saurait durer. L'époque des janissaires successifs est finie. Thucydide et Tacite ne nous raconteraient pas bien les événements des 3 jours. Il nous faudrait Bossuet pour nous expliquer les événements dans l'ordre de la Providence. Génie qui voyait tout, mais sans franchir les limites posées à sa raison et à sa splendeur, comme le soleil qui roule entre 2 bornes éclatantes et que les Orientaux appellent l'esclave de Dieu. Ne cherchons pas si près de nous le moteur d'un mouvement placé plus loin. La médiocrité des hommes, les frayeurs folles, les brouilleries inexplicables, les haines, les ambitions, la présomption des uns, le préjugé des autres, les conspirations secrètes, les ventes, les mesures bien ou mal prises, le courage ou le défaut de courage. Toutes ces choses sont les accidents, non les causes de l'événement. Lorsqu'on dit que l'on ne voulait plus les Bourbons, qu'ils étaient devenus odieux parce qu'on les supposait imposés par l'étranger à la France, ce dégoût superbe n'explique rien d'une manière suffisante. Le mouvement de juillet ne tient point à la politique proprement dite. Il tient à la révolution sociale qui agit sans cesse. Par l'enchaînement de cette révolution générale, le 28 juillet 1830 n'est que la suite forcée du 21 janvier 1793. Le travail de nos premières assemblées délibérantes avait été suspendu. il n'avait pas été terminé. Dans le cours de 20 années, les Français s'étaient accoutumés, de même que les Anglais sous Cromwell, à être gouvernés par d'autres maîtres que par leurs anciens souverains. La chute de Charles X est la conséquence de la décapitation de Louis XVI, comme le détrônement de Jacques II est la conséquence de l'assassinat de Charles Ier. La Révolution parut s'éteindre dans la gloire de Bonaparte et dans les libertés de Louis XVIII, mais son germe n'était pas détruit. Déposé au fond de nos mœurs, il s'est développé quand les fautes de la Restauration l'ont réchauffé, et bientôt il a éclaté. Les conseils de la Providence se découvrent dans le changement anti-monarchique qui s'opère. Que des esprits superficiels ne voient dans la Révolution des Trois Jours qu'une échauffourée, c'est tout simple. Mais les hommes réfléchis savent qu'un pas énorme a été fait. Le principe de la souveraineté du peuple est substitué au principe de la souveraineté royale. La monarchie héréditaire changée en monarchie élective. Le 21 janvier avait appris qu'on peut disposer de la tête d'un roi. Le 29 juillet a montré qu'on peut disposer d'une couronne. Or, toute vérité bonne ou mauvaise qui se manifeste demeure acquise à la foule. Un changement cesse d'être inouï, extraordinaire. Il ne se présente plus comme impie à l'esprit et à la conscience quand il résulte d'une idée devenue populaire. Les Francs exercèrent collectivement la souveraineté. Ensuite, ils la déléguèrent à quelques chefs. Puis ces chefs la confièrent à un seul. Puis ce chef unique l'usurpa au profit de sa famille. Maintenant, on rétrograde de la royauté héréditaire à la royauté élective. De la monarchie élective, on glissera dans la République. Telle est l'histoire de la société. Voilà par quel degré le gouvernement sort du peuple et y rentre. Ne pensons donc pas que l'œuvre de Juillet soit une superfétation d'un jour. Ne nous figurons pas que la légitimité va venir rétablir un continent la succession par droit de primogéniture. N'allons pas non plus nous persuader que Juillet mourra tout à coup de sa belle mort. Sans doute la branche d'Orléans ne prendra pas racine. Ce ne sera pas pour ce résultat que tant de sang, de calamité, de génie aura été dépensé depuis un demi-siècle. Mais Juillet, s'il n'amène pas la destruction finale de la France avec l'anéantissement de toutes les libertés, Juillet portera son fruit naturel. Ce fruit est la démocratie. Ce fruit sera peut-être amer et sanglant, mais la monarchie est une greffe étrangère qui ne prendra pas sur une tige républicaine. Ainsi, ne confondons pas le roi improvisé avec la Révolution dont il est né par hasard. Celle-ci, telle que nous la voyons agir, est en contradiction avec ses principes. Elle ne semble pas née viable, parce qu'elle est mulctée d'un trône. Mais qu'elle se traîne seulement quelques années, cette Révolution. Ce qui sera venu, ce qui s'en sera allé, changera les données qui restent à connaître. Les hommes faits meurent ou ne voient plus les choses comme ils les voyaient. Les adolescents atteignent l'âge de raison. Les générations nouvelles rafraîchissent des générations corrompues. Les langes trempées des plaies d'un hôpital, rencontrées par un grand fleuve, ne souillent que le flot qui passe sous ses corruptions. En aval et en amont, le courant garde ou reprend sa limpidité. Juillet, libre dans son origine, n'a produit qu'une monarchie enchaînée. Mais viendra le temps où, débarrassé de sa couronne, il subira ces transformations qui sont la loi des êtres. Alors il vivra dans une atmosphère appropriée à sa nature. L'erreur du parti républicain, l'illusion du parti légitimiste, sont l'une et l'autre déplorables et dépassent la démocratie et la royauté. Le premier croit que la violence est le seul moyen de succès. Le second croit que le passé est le seul port de salut. Or, il y a une loi morale qui règle la société. Une légitimité générale qui domine la légitimité particulière. Cette grande loi et cette grande légitimité sont la jouissance des droits naturels de l'homme, réglés par les devoirs, car c'est le devoir qui crée le droit, et non le droit qui crée le devoir. Les passions et les vices vous relèguent dans la classe des esclaves. La légitimité générale n'aurait eu aucun obstacle à vaincre si elle avait gardé comme étant de même principe la légitimité particulière. Au surplus, une observation suffira pour nous faire comprendre la prodigieuse et majestueuse puissance de la famille de nos anciens souverains. Je l'ai déjà dit et je ne saurais trop le répéter. toutes les royautés mourront avec la royauté française. En effet, l'idée monarchique manque au moment même où manque le monarque. On ne trouve plus autour de soi que l'idée démocratique. Mon jeune roi emportera dans ses bras la monarchie du monde. C'est bien finir. Lorsque j'écrivais tout ceci sur ce que pourrait être la révolution de 1830 dans l'avenir, j'avais de la peine à me défendre d'un instinct qui me parlait contradictoirement au raisonné. Je prenais cet instinct pour le mouvement de ma déplaisance des troubles de 1830, je me défiais de moi-même, et peut-être dans mon impartialité trop loyale, exagérais-je les provenances futures des trois journées. Or, 10 années se sont écoulées depuis la chute de Charles X. Juillet s'est-il assis ? Nous sommes maintenant au commencement de décembre 1840. À quel abaissement la France est-elle descendue ? Si je pouvais goûter quelque plaisir dans l'humiliation d'un gouvernement d'origine française, j'éprouverais une sorte d'orgueil à relire, dans le congrès de Vérone, ma correspondance avec M. Canning. Certes, ce n'est pas celle dont on vient de donner connaissance à la Chambre des députés. D'où vient la faute ? Est-elle du prince élu ? Est-elle de l'impéritie de ses ministres ? Est-elle de la nation même, dont le caractère et le génie paraissent usés ? Nos idées sont progressives, mais nos mœurs les soutiennent-elles ? Il ne serait pas étonnant qu'un peuple âgé de 14 siècles, qui a terminé cette longue carrière par une explosion de miracles, fût arrivé à son terme. Si vous allez jusqu'à la fin de ces mémoires, vous verrez qu'en rendant justice à tout ce qui m'a paru beau aux diverses époques de notre histoire, je pense qu'en dernier résultat, la vieille société finit. Ici se termine ma carrière politique. Cette carrière devait aussi clore mes mémoires, n'ayant plus qu'à résumer les expériences de ma course. 3 catastrophes ont marqué les 3 parties précédentes de ma vie. J'ai vu mourir Louis XVI pendant ma carrière de voyageur et de soldat. Au bout de ma carrière littéraire, Bonaparte a disparu. Charles X, en tombant, a fermé ma carrière politique. J'ai fixé l'époque d'une révolution dans les lettres et de même dans la politique, j'ai formulé les principes du gouvernement représentatif. Mes correspondances diplomatiques valent, je crois, mes compositions littéraires. Il est possible que les unes et les autres ne soient rien, mais il est sûr qu'elles sont équipollentes. En France, à la tribune de la Chambre des Pairs et dans mes écrits, j'exerçais une telle influence que je fis entrer d'abord M. de Villèle au ministère, et qu'ensuite il fut contraint de se retirer devant mon opposition après s'être fait mon ennemi. Tout cela est prouvé par ce que vous avez lu. Le grand événement de ma carrière politique est la guerre d'Espagne. Elle fut pour moi, dans cette carrière, ce qu'avait été le génie du christianisme dans ma carrière littéraire. Ma destinée me choisit pour me charger de la puissante aventure qui, sous la Restauration, aurait pu régulariser la marche du monde vers l'avenir. Elle m'enleva à mes songes et me transforma en conducteur des faits. À la table où elle me fit jouer, elle plaça comme adversaires les 2 premiers ministres du jour, le prince de Metternich et M. Canning. Je gagnais contre la partie. Tous les esprits sérieux que comptaient alors les cabinets convinrent qu'ils avaient rencontré en moi un homme d'État. Bonaparte l'avait prévu avant eux, malgré mes livres. Je pourrais donc, sans me vanter, croire que le politique a valu en moi l'écrivain. Mais je n'attache aucun prix à la renommée des affaires. C'est pour cela que je me suis permis d'en parler. Si, lors de l'entreprise péninsulaire, je n'avais pas été jeté à l'écart par des hommes aveugles, le cours de nos destinées changeait. La France reprenait ses frontières, l'équilibre de l'Europe était rétabli. La Restauration, devenue glorieuse, aurait pu vivre encore longtemps, et mon travail diplomatique aurait aussi compté pour un degré dans notre histoire. Entre mes 2 vies, il n'y a que la différence du résultat. Ma carrière littéraire, complètement accomplie, a produit tout ce qu'elle devait produire, parce qu'elle n'a dépendu que de moi. Ma carrière politique a été subitement arrêtée au milieu de ses succès, parce qu'elle a dépendu des autres. Néanmoins, je le reconnais, ma politique n'était applicable qu'à la Restauration. Si une transformation s'opère dans les principes, dans les sociétés et dans les hommes, ce qui était bon hier, est périmé et caduque aujourd'hui. À l'égard de l'Espagne, les rapports des familles royales ayant cessé par l'abdication de la loi salique, Il ne s'agit plus de créer au-delà des Pyrénées des frontières impénétrables. Il faut accepter le champ de bataille que l'Autriche et l'Angleterre y pourront un jour nous ouvrir. Il faut prendre les choses au point où elles sont arrivées. Abandonner, non sans regret, une conduite ferme mais raisonnable, dont les bénéfices certains étaient, il est vrai, à longue échéance. J'ai la conscience d'avoir servi la légitimité comme elle devait l'être. Je voyais l'avenir aussi clairement que je le vois à cette heure. Seulement, j'y voulais atteindre par une route moins périlleuse, afin que la légitimité, utile à notre enseignement constitutionnel, ne trébuchât pas dans une course précipitée. Maintenant, mes projets ne sont plus réalisables. La Russie va se tourner ailleurs. Si j'allais actuellement dans la péninsule, dont l'esprit a eu le temps de changer, ce serait avec d'autres pensées. Je ne m'occuperais que de l'alliance des peuples, toute suspecte, jalouse, passionnée, incertaine et versatile qu'elle est, et je ne songerai plus aux relations avec les rois. Je dirais à la France, « Vous avez quitté la voie battue pour le sentier des précipices, eh bien, explorez-en les merveilles et les périls. À nous, innovation, entreprise, découverte. Venez, et que les armes, s'il le faut, vous favorisent. Où y a-t-il du nouveau? Est-ce en Orient? Marchons-y. Où faut-il porter notre courage et notre intelligence? Courons de ce côté. » Mettons-nous à la tête de la grande levée du genre humain. Ne nous laissons pas dépasser. Que le nom français devance les autres dans cette croisade, comme il arriva jadis au tombeau du Christ. Oui, si j'étais admis au conseil de ma patrie, je tâcherais de lui être utile dans les dangereux principes qu'elle a adoptés. La retenir à présent, ce serait la condamner à une mort ignoble. Je ne me contenterais pas de discours. Joignant les œuvres à la foi, je préparerais des soldats et des millions. Je bâtirai des vaisseaux, comme Noé, en prévision du déluge. Et si l'on me demandait pourquoi, je répondrais « parce que tel est le bon plaisir de la France ». Mes dépêches avertiraient les cabinets de l'Europe que rien ne remuera sur le globe sans notre intervention, que si l'on se distribue les lambeaux du monde, la part du lion nous revient. Nous cesserions de demander humblement à nos voisins la permission d'exister. Le cœur de la France battrait libre, sans qu'aucune main osât s'appliquer sur ce cœur pour en compter les palpitations. Et puisque nous cherchons de nouveaux soleils, je me précipiterais au-devant de leur splendeur et n'attendrai plus le lever naturel de l'aurore. Fasse le ciel que ces intérêts industriels, dans lesquels nous devons trouver une prospérité d'un genre nouveau, ne trompent personne. Qu'ils soient aussi féconds, aussi civilisateurs que ces intérêts moraux d'où sortit l'ancienne société. Le temps nous apprendra s'il ne serait point le songe infécond de ces intelligences stériles qui n'ont pas la faculté de sortir du monde matériel. Bien que mon rôle ait fini avec la légitimité, tous mes vœux sont pour la France, quels que soient les pouvoirs à qui son imprévoyant caprice la fasse obéir. Quant à moi, je ne demande plus rien. Je voudrais seulement ne pas trop dépasser les ruines écroulées à mes pieds. Mais les années sont comme les Alpes. À peine a-t-on franchi les premières qu'on en voit d'autres s'élever. Hélas, ces plus hautes et dernières montagnes sont déshabitées, arides et blanchies. Fin de la section 49. Fin des Mémoires d'Outre-Tombe, troisième partie, par François-René de Chateaubriand.